surcoté, ça devrait faire même pas rapper. Des insultes gratuites, fils ça part pas bien gâté. Oh là, ils font trop les fous, mais connaissent pas un quart de la zone. On fait des sous, ton pas du ciel, mais c'est Dieu qui donne. Pour la maman, je ferai tout, quitte à tomber, prendre des coups. Elle dit stop, bah j'arrête tout, tu dis rien, mais elle sait tout. Je pars en couille dans mon zèle, mélange la vodka Red Bull. J'ai bu ma fouille à trois clubs, des feuilles, mon pull. Il me reste des frères qui m'épaulent, des autres qu'elle met tes testicules. C'est pas cool, sans vous les frangins, c'est nul. Et ouais, j'avoue que c'est pas la joie, voilà que c'est pas la joie. Y'a pas le choix, on avance parce qu'on a la foi. Plus rien à faire par ici, faut qu'on s'aille de là. Faut qu'aille au bled, au Brésil et puis à Marbella. Y'a plein de haouettes où je réside, vas-y bouge de là. Faut qu'aille en fred, où les cibles vont dire on garde là. Plus rien à faire par ici, faut qu'on s'aille de là. Faut que j'aille au bled, au Brésil et puis à Marbella. Tous les trafiquants, ils sont vers Alicante. Ils sont pas présentables, ils ont le cerveau disjoncté. Ça mélange la clave et ballon, mais la sensation c'est pas long. Ça te renvoie l'appareil dans ta bouche, t'as le goût du canon. Qui est si c'est bande de putes, on vous baise et c'est un repeat. J'vais changer plus l'époque, je suis le joueur que tu veux dans l'équipe. Tu chapes les clips, tu veux la top, on fait la diff, ils aiment tes gosses. Ton équipe qui fait ouais les sages, fais son studio, j'envoie la douce. Tu vas glisser si de nous tu parles trop. Tu veux nous suivre mais j'espère que t'as du cardio. Plus rien à faire par ici, faut qu'on s'aille de là. Faut que t'ailles au bled, au Brésil et puis à Marbella. Y'a plein de haouettes où je réside, vas-y bouge de là. Faut que t'ailles en scred, où les cibles vont dire on garde là. Plus rien à faire par ici, faut qu'on s'aille de là. Faut que j'aille au bled, au Brésil et puis à Marbella. Toute la nuit j'ai ramé, je me réveille, j'ai pas bonne mine. Ramouf ton œil, ton RSS c'est des grosses twins. Zama tu l'aimes c'est ta femme, mais y'a mon pote qui la pile. Des fois il dit j'ai la flemme, des fois rien qui la taquine. Par amour tu donnes tout, mais gros n'en sois pas étonné. Un pigeon plus sur sa liste comme on les connaît. C'est par amour tu donnes tout, mais sans déconner. Au fond du trou le moral il va t'assommer. Par amour tu donnes tout, mais n'en sois même pas étonné. Au fond du trou le moral il va t'assommer. Plus rien à faire par ici, faut qu'on s'aille de là. Faut qu'aille au bled, au Brésil et puis à Marbella. Y'a plein de haouettes où je réside, vas-y bouge de là. Faut qu'aille en scred, où les cibles vont me dire on garde là. Plus rien à faire par ici, faut qu'on s'aille de là. Faut que j'aille au bled, au Brésil et puis à Marbella.